voyous, je vous regarde pas, est-ce que vous voyez? Du brouillard fumé, je m'en floue. Ça fait longtemps que j'ai pas vous voyé. Des fois j'aimerais que vous sachiez que je suis pas fier, une bouteille, je bois tout. Grave méfiant si vous saviez. Au studio pour faire goûter mes atouts. J'ai l'écriture assez mère, mon ami. Comme toi j'ai du jazz, en ce moment j'ai moins d'habits. On m'a dit des brouillards, jamais voyous. Une paire d'Azix et je le resterai à vie. C'est la folie, le quartier, trop de paire d'amis. J'ai peut-être mis trop d'amener, maybe on part demain. Peut-être qu'on parle de moi, non j'ai pas changé de mine, un doigt sur les deux mains. Mais je m'allume à l'Odica. Dès le matin on buvait. Je suis dans la ville, le cœur abîmé. Je m'allume à l'Odica. Dès le matin on buvait. Maman j'ai traîné, balade comme un traîneau. Pas le moment de frémir, on prend au très haut. Adidas traîneur, barotte comme un trimmer. On me dit t'es trop là, sur vêtements training. Même pas besoin de freiner, location frimeur. On démarre l'engin, y'a pas besoin de m'entraîner. On rentre après l'heure, comme d'avant bois là. Taille bouillée, on pisse après là. Mais t'inquiète, on a fort, toutes questions que je déçoive les frères. Y'a de la peu au même effet que le somnifère. On se posera dans la nature, putain, des fois le soir il gèle. Va pas envie ton pote, même si tu sais que des sommes il fait. Pris de vitesse dans la tourmente, on peut cacher mes frères. Baisser les vitres là, tous les gens vont nous assommer fort. Des potes bloqués, on peut pas toujours assurer Ray. Et si je t'ai pas donné, je me trompe, pourtant j'assume mes torts. Le cœur abîmé, je m'allume à l'Odica. Dès le matin, buvait.